Chapitre 2. Peu de temps après la soirée orageuse, où la mère rabat-joie entra en si belle fureur et fit si beau tapage pour une galette mal retournée, il vint au pays un étranger, qui excita partout sur ses pas la plus vive curiosité. C'était un de ces chanteurs nomades, connus sous le nom de Trouvère ou Troubadour, et qui s'en allaient de ville en ville et de château en château, déclamant ou chantant leurs vers, où il célébrait les exploits des preux et la beauté des dames. Celui-ci n'avait pas la mine famélique, ni le costume râpé de ses confrères. On le prit plutôt pour un gentilhomme. Il était grand, élancé, d'élégante tournure, avec des traits expressifs, un teint bistré et comme brûlé, une barbe rousse en pointe et des yeux dont on avait peine à soutenir l'éclat. Son accoutrement était aussi riche que fantastique. Tout y était rouge, depuis la fine chaussure de cuir de cordoue jusqu'à la toque de velours que surmontait une plume écarlate. Par un singulier caprice, cette toque était comme soudée à son front. Jamais on ne le vit tête nue. Il fut surnommé l'homme rouge, et lorsqu'il s'avançait d'un pas rapide et que le vent secouait les rouges plis de son manteau, on le crut enveloppé de flammes. Il jouait de tous les instruments et chantait agréablement, d'une voix vibrante, qui avait quelque chose de métallique. On avait remarqué que jamais il ne franchissait le seuil d'une église, ni d'un lieu consacré, et l'on en conclut qu'il devait être maure ou païen. Bien certainement, il n'était pas juif, car il se montrait large jusqu'à la profusion et généreux jusqu'à la prodigalité. On en fut quelque peu surpris. Les disciples de la gaie science, n'ayant pas l'habitude de rouler sur l'or, art et pauvreté sont frères et sœurs. Du reste, quelle que fût la source de ses richesses, qu'elles vinssent du ciel ou de l'enfer, le fait est qu'elles lui attirèrent une grande considération et lui firent de nombreux amis. On ignorait son nom et sa patrie. Au curieux qui l'interrogeait sur ce dernier point, il se contentait de dire que son pays était très loin, qu'il y faisait très chaud, qu'on y arrivait par des routes fleuries, que les gens de toutes conditions s'y précipitaient par milliers, et qu'aucun n'en sortait, tant ils s'y trouvaient bien. Ceux qui l'écoutaient auraient voulu vivre dans ce pays-là. Quoi qu'il fût, à n'en pas douter, de haute origine, il n'avait pas de morgue, et frayait familièrement avec tout le monde. Il avait un entrain endiablé, et de l'esprit comme un démon. Il buvait aux assemblées autant que quatre Normands, et n'en était pas plus gris. Il dansait ou faisait danser des journées et des nuits entières, et n'en était pas plus là. Il restait à table, selon l'us et coutume de Basse-Normandie, 8 heures consécutives, et n'en était pas plus repu. C'était le bout en train de toutes les fêtes, de toutes les noces, et il n'y avait pas de bonne partie sans le gai et amusant compagnon qui s'appelait l'homme rouge. Il advint sur ces entrefaites que le seigneur de Briouze songea à marier sa fille. Jolie personne, quoique boulotte et marquée de taches de rousseur. Le prétendu était un grand bénet, dont le père, autre seigneur du voisinage, n'en ayant pu rien faire, avait pris le parti extrême de le marier dans l'espoir que sa femme en ferait quelque chose. Le seigneur de Briouze était de la première noblesse, car il se vantait de descendre du bâtard, d'un bâtard, de je ne sais quel duc de Normandie. Il était très instruit, à preuve qu'il savait lire et signer son nom. Il avait un beau château, une belle meute, de beaux étangs et de beaux domaines tellement vastes qu'il s'y perdait chaque fois qu'il allait les visiter. Mais ce qu'il avait de plus beau, c'était son bourg de Briouze. Ce n'est pas que les chemins qui y menaient fussent moins effondrés que partout ailleurs, ni les masures moins sordides, ni les échoppes moins puantes. Sa beauté consistait dans la façon originale et neuve dont les habitations étaient groupées. D'ordinaire, lorsqu'un bourg se bâtit, les maisons se rangent tant bien que mal le long des chemins et finissent par former des rues et des places. À Briouze, rien de pareil, ni place, ni rue. Les maisons étaient jetées çà et là, à travers le terrain, se présentant sous toutes les faces, les unes par devant, d'autres par derrière, d'autres de côté, dans la plus complète indépendance, et sans le moindre souci de la géométrie. On eût dit qu'elles étaient tombées du ciel et qu'elles s'étaient fichées dans le sol au hasard de la chute. Depuis lors, la civilisation a passé par là, escortée d'ingénieurs des ponts et chaussées et d'agents voyés, et elle a mis de l'ordre dans ce beau désordre. Mais si Briouze y a gagné, le pittoresque y a beaucoup perdu. Les gars de Briouze étaient de fort braves gens, élevés dans la crainte de Dieu et de leur Seigneur, qui était un maître débonnaire et doux, et dont ils conservèrent la mémoire en mettant sa figure moustachue, sculptée sur pierre, au-dessus du portail de leur église, où on la voit encore. Ils n'avaient qu'un défaut, ou plutôt qu'une passion. Ils aimaient à boire. Dans ce bienheureux pays, il régnait une soif inextinguible. Les femmes y buvaient comme des hommes, et les hommes comme des trous. Le café était alors inconnu. L'eau-de-vie était un remède d'apothicaire et le vin réservé à la table des riches. Mais il restait le gros cidre et le poiré. Et le diable n'y perdait rien. Chaque maison était un cabaret. Au-dessus de chaque porte verdissait la branche de houx qui chuchotait à l'oreille du passant « Ici l'on boit ». Et le passant entrait, s'attablait et buvait. Et tous les assoiffés de la campagne environnante accouraient là par bandes pour se désaltérer. On conçoit d'après ses goûts bachiques avec quel transport fut reçue la nouvelle du mariage seigneurial, qui promettait des noces splendides et de franches lipées. Le seigneur était puissamment riche et aussi libéral que riche. Il invita, outre les parents et les amis, ses vassaux, ses tenanciers, tous ceux qui dépendaient de lui, c'est-à-dire le pays tout entier. D'immenses tentes avaient été dressées pour abriter le populaire, pendant que la gent blasonnée s'ébaudirait dans la grande salle du château. Ainsi qu'il fallait s'y attendre, on fit venir l'homme rouge pour entretenir la gaieté et dégourdir les jambes de la jeunesse. Il fut jovial, infatigable, pétillant de verve, étourdissant, cynique. Il faisait rougir la mariée et rire aux éclats son imbécile d'époux. Il poussait à boire, portait des défis aux plus intrépides buveurs et buvait lui-même comme s'il eût voulu éteindre un incendie intérieur. Onc, on ne vit si monstrueuse ripaille. Elle dura 7 jours et 7 nuits, pendant lesquels on mangea des troupeaux et l'on but la récolte de cidre d'une année. À la fin, le diable s'en mêla. Le vin aux épices et les flots de cidre pur avaient à tel point échauffé les têtes qu'une sorte de délire furieux s'empara de tous les convives, nobles et manants. L'époux gifle sans égard sa tendre moitié, qui tombe en pamoison. Le beau-père saute à la gorge de son gendre. Les épées sortent du fourreau. Les rustres brandissent leurs gourdins. La mêlée est épouvantable. Chacun frappe au hasard, pris d'une rage aveugle. Ce ne sont que cris de détresse, injures, imprécations et blasphèmes. Vaisselle, brocs, gobelets, écuelles, débris de table et de banc volent de toutes parts. Dans cette effroyable bagarre, il y eut des membres brisés, des crânes fendus, des côtes enfoncées, des morts laissées sur le carreau parmi des flaques de sang et dans une inondation de cidre. Le banquet de noces, commencé dans la joie, se termina comme le festin des lapites et l'homme rouge s'en alla en pouffant de rire. Le lecteur aura deviné que l'homme rouge n'était autre que l'esprit malin, lequel, venu sous un déguisement pour rendre visite à la mère Rabat-Joie, son ennemie intime, avait voulu tout d'abord s'amuser un brin, en jouant au gars de Briouze, moins malin que lui, un tour de sa façon dont il se souviendrait dans les siècles des siècles. Il se disposa, aussitôt, ce bel exploit accompli, à exécuter le noir dessein qui lui avait fait entreprendre son voyage terrestre. Son but était de s'introduire chez la mère Rabat-Joie, sous prétexte de lui demander la main de sa fille, de gagner ses bonnes grâces à force de bassesse, puis, un beau jour, d'emporter l'infortunée Mariette en laissant là sa respectable mère, à laquelle il ne tenait pas. Le plan, comme on voit, était aussi simple qu'infâme, et n'eût pas été indigne d'un baron de grand chemin. Malheureusement pour l'auteur de cette trame infernale, la mère Rabat-Joie avait aussi son idée, qu'elle mûrissait dans l'ombre et le mystère. C'était une rusée commère, dissimulée comme pas une, et qui, en fait de rouerie, eut rendu des points à toute la robinaille de Donfront et au diable lui-même. Elle l'avait du premier coup dévisagé et reconnu, et se tenait sur le qui-vive, prête à lui rendre embûche pour embûche. Un matin, l'homme rouge se présente chez elle, la bouche en cœur, sémillant, pomponné, mise à la dernière mode qu'il eût inventée, et inondé d'eau de senteur pour masquer certaines odeurs sulfureuses qui se dégageaient de sa personne. Sa vue fait sur Mariette l'effet de celle du loup sur l'innocente brebis. Saisie d'une terreur subite, elle s'enfuit toute tremblante dans le coin le plus éloigné de la demeure, et, tombant à genoux, prie avec larmes le saint archange Michel et les saints anges gardiens d'écarter d'elle le péril qu'instinctivement elle sent suspendu sur sa tête. La mère rabat-joie ne se déconcerte pas et reçoit le visiteur d'un air gracieux et affable. « Bonjour cousine, lui dit-il, à brûle-pourpoint. » Elle fait un geste de surprise, mais l'homme rouge lui déroule une interminable généalogie où le diable seul comprendrait quelque chose, et qui prouve clair, comme le jour, qu'ils ont pour auteur commun un certain Caïn, mort depuis très longtemps, et qui tua son frère par mégarde. La veuve semble flattée d'une si illustre origine, et accepte d'autant plus volontiers le cousinage que dans ce pays-là, on cousine jusqu'au 30e degré de parenté. Il la complimente alors sur sa réputation de femme à principe, sur son système d'éducation et sur ses opinions philosophiques, qui étaient aussi les siennes. Il se décide enfin à fondre la cloche et lui dépeint en termes éloquents la violence de l'amour que lui ont inspiré les charmes de Mariette. « J'ose espérer, ajoute-t-il, chère cousine, que vous voudrez bien donner votre consentement maternel à cette union qui comblera tous mes vœux. » La chère cousine d'abord ne répond ni oui ni non, selon l'usage de Normandie. Et comme l'amoureux insiste de plus belle, elle finit par se rendre et dit franchement « oui ». Mais Mariette, interroge-t-il avec anxiété, est-elle disposée à consentir ? Ma fille, répond gravement la mère rabat-joie, consentira du moment que je consens. Grâce à mon système d'éducation, et je vous le recommande, mon gendre, quand vous aurez des enfants, grâce à ce système, je l'ai rendu souple comme un gant et docile comme un agneau. Ma volonté est la sienne, et elle acceptera de ma main un borgne, un bossu, un bancal, le diable même. À plus forte raison un gentil cavalier, tel que vous. N'ayez souci, j'en fais mon affaire. Adieu, mon gendre, adieu, belle maman, répond l'homme rouge, et il se retire joyeux et fier du rapide avancement qu'il avait obtenu, puisque de cousin il était passé gendre en quelques instants. Le lendemain et le surlendemain, nouvelle visite, nouveaux compliments et nouvelle disparition de Mariette, qui s'évanouissait comme une ombre dès que l'homme rouge montrait son nez à l'horizon. Il en fut d'abord surpris, puis contrarié, et s'en ouvrit à la mère. « Ma fille, dit-elle, est timide et farouche. Elle a été élevée dans les bons principes, et la vue d'un homme, surtout d'un bel homme, tel que vous, alarme toujours sa pudeur. Mais n'ayez souci, je lui ferai la leçon. Revenez demain soir entre chien et loup, et je vous réponds qu'elle vous accueillera comme vous le méritez. Adieu, mon gendre. » L'homme rouge s'en retourna en se frottant les mains, et résolu à profiter de l'occasion pour frapper le grand coup et s'emparer de sa proie. Le jour d'après, la mère rabat-joie fut fort occupée à des préparatifs qui n'étaient pas ceux des fiançailles. Elle boucha avec soin la cheminée ainsi que toutes les ouvertures de l'unique pièce du rez-de-chaussée, ne laissant libre que la chatière pratiquée au bas de la porte. Dans l'angle le plus sombre était placé un vase plein d'eau bénite où trempait un rameau de buis. Mariette avait un rôle à jouer dans ce drame, rôle si effrayant qu'au premier mot de sa mère, elle devint pâle comme la mort et faillit lui désobéir pour la première fois de sa vie. Il ne fallut rien moins pour l'encourager et la décider que le serment qu'elle lui fit sur le crucifix de lui permettre en récompense de sa docilité d'aller s'enfermer dans un cloître, ce qui était depuis longtemps son désir le plus ardent. À l'heure convenue, l'homme rouge, je veux dire le diable, arrive Fringant et Guilleret. La diablesse, je veux dire la mère rabat-joie, se tenait sur le seuil, aimable, souriante et empressée. « Entrez, entrez, mon gendre, dit-elle, ma fille est prête à tout. Vous n'aurez pas lieu de vous plaindre de son accueil. » Il entre sans méfiance, pendant que la mère rabat-joie, restée dehors, ferme derrière lui la porte à double tour. Mariette, debout dans un coin, le rameau de buis à la main, attend l'assaut, ferme et intrépide, car l'archange Saint-Michel la couvrait de son divin bouclier et lui inspirait un courage au-dessus des forces de son sexe. Au moment où le diable fond sur elle, il est accueilli par une aspersion d'eau bénite qui retombe sur lui comme une pluie de métal en fusion. Il pousse un rugissement de douleur et de rage, recule effrayé, voyant trop tard le piège où il est tombé, et cherche anxieusement une issue pour échapper à l'averse de feu dont l'inonde le rabot béni. Il court à la porte, elle est fermée à clé. Il vole aux fenêtres, elles sont barrées. Il s'élance vers la cheminée, elle est bouchée. Tout à coup, il aperçoit la chatière, se félicite de cet oubli providentiel et se croit sauvé. Il se fait tout petit, se pelotonne, passe comme un trait par l'étroite ouverture et tombe dans un sac que l'astucieuse commère y tenait étroitement collé au du dehors. En un tour de main, la bouche du sac est liée, et voilà Messire Satan pris comme une souris dans une souricière. Pour plus de précaution, la mère Rabat-Joie enroule solidement tout autour une forte corde, qui ôte tout mouvement au captif et ne lui laisse libre que la langue, dont il se sert pour menacer, jurer, sacrer et blasphémer. Elle ne s'en émeut guère, et le regarde d'un air de mépris triomphant. « Ah, traître, s'écrie-t-elle, vil hypocrite, abominable imposteur, tu as cru me jouer, et c'est moi qui t'ai mis dedans. Tu ne connaissais pas, malgré toute ta science, la mère Rabat-Joie. Il y a plus de malice dans son sac qu'il n'y eut jamais de tour et de diablerie dans ton bissac. Ah, tu voulais, serpent, emporter ma Mariette, qui est la consolation et la joie de mes vieux jours. On t'en fricassera des Mariettes. Quel joli gendre j'avais là, et comme c'eût été honorable et distingué, pour une femme à principe comme moi. Attends un peu, je vais t'appliquer mon système d'éducation, car ta mère t'a bien mal élevé, sacripant. » Et empoignant un manche à balai, elle décharge sur le sac et son contenu une si furieuse grêle de coups qu'elle eût tué le diable si le diable pouvait être tué. Malheureusement, il est immortel comme le mal. La nuit était tombée. La mère Rabat-Joie charge sur ses épaules, encore solide, son incommode prisonnier, qui frétillait comme une anguille et criait à s'enrouer. Le mont de Sérisy était tout proche. C'est là qu'elle dirige ses pas. Ce mont était alors couvert d'une végétation tellement dense et touffue qu'elle n'eût jamais réussi à y pénétrer, si l'archange Saint-Michel ne lui avait pas ouvert la voie avec son épée pour la récompenser de la première et unique bonne œuvre qu'elle eût faite en sa vie. Elle atteint hors d'haleine le sommet aride et nu, où se posait nul pied humain. Il dépose son fardeau et l'entoure de grosses pierres de peur d'accident. Le diable, dans cette fâcheuse extrémité, devient humble, doucereux et insinuant. Il appelle la mère Rabat-Joie, sa chère amie, et s'efforce de l'attendrir par les plus touchantes supplications. Autant eût valu chercher à attendrir un tigre. La chère amie hausse les épaules et lui jette ces mots ironiques. « Adieu, mon gendre, je vous souhaite une bonne nuit de noces. Heureux coquin, que d'agréments vous allez avoir et comme vous allez faire des jaloux. Adieu, amusez-vous bien et tâchez de ne pas vous enrhumer. » Puis elle dévale par le même sentier, sans plus se soucier de sa victime, dont les mésaventures ne devaient pas se borner, ainsi qu'on le verra dans le cours de ce véridique récit. Le lendemain, la mère Rabat-Joie alla s'agenouiller devant l'autel de Saint-Michel et y consacra le rameau de buis béni, qui avait mis en déroute le roi de l'abîme. La figure de l'archange lui parut illuminée de rayons, et il lui sembla que le démon faisait une plus laide grimace et de plus affreuses contorsions qu'à l'ordinaire. Cela ne la surprit pas. L'orgueil et l'ivresse de la victoire adoucirent un instant sa nature indomptable, et elle hésita à tenir son serment en permettant à sa fille de se donner à Dieu. Quelques semaines plus tard, Mariette entrait comme novice dans un monastère des environs. Mais les jours de la jeune Vierge étaient comptés, et la terre fuyait déjà sous ses pas. Cette fleur d'innocence et de pureté, qui languissait et s'étiolait dans notre atmosphère empestée, ne devait briller de tout son éclat et répandre tout son parfum que dans les jardins du ciel. Le long martyr, enduré sous une mer barbare, avait miné ses forces. Les austérités du cloître achevèrent de les user. Elle s'éteignit doucement au bout de peu de temps, en pardonnant à sa mère et les anges fidèles qui l'avaient consolée et soutenue dans le dur chemin de la vie, l'emportèrent remords sur leurs blanches ailes et la déposèrent au pied du trône de Dieu. Il y avait une sainte de plus au paradis.